Bienvenue dans la jungle, c'est à toi de rugir. Surpris, le doute n'a pas le temps de surgir. Il est l'heure de faire ses preuves, tel est le rite initiatique. Montrer que tu es preuve pour faire primer ta signature. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pris part à ces rivalités avec vitalité. En quête de piédestal, humain et scolaire. Enfant, vite on s'installe dans ce jeu protocolaire. On vient s'affirmer, s'afficher, s'agiter, attrister à l'idée de perdre son identité. C'est le jeu de connivence, de peur de dominance. On étale fièrement ce que l'on croit être des connaissances. Admiration et jalousie deviennent des intimes. Leurs différences à vrai dire sont très infimes. On cherche la lumière laissant les autres dans l'ombre. Et même ceux qu'on aime finissent rongés par nos dents longues. L'excès de fierté me pousse à vouloir avoir le dernier mot. Le mot pour rire, celui de la fin qui va glorifier mon ego. Tous les autres deviennent alors des adversaires potentiels. Je me méfie, surveille de près mes arrières. À l'affût de celui ou celle qui prétendra me surpasser. Je transpire, suffoque dans ma coquille de crustacés. Et si parfois je fais le coq, c'est pour vérifier ma puissance et l'efficacité de ma prise de confiance. À tête reposée, j'y pense et ça me fait froid dans le dos. Quand je réalise à quel point je n'existerai pas sans l'autre. Ma façon d'être en société ne serait-elle au fond qu'une vaste valse, une grande parade de séduction. Manipulateur, non, pas moi. Et pourtant c'est nécessaire puisque je cherche à plaire. Mais alors quand suis-je sincère? Et avec qui suis-je sincère? Les gens que j'aime et que je respecte, est-ce que je les trompe aussi? Ça paraît vraisemblable étant donné que je me trompe moi-même. C'est à n'y rien comprendre et finalement ça sent le roussi. D'imaginer que sous mon vrai jour, on me reconnaisse à peine. C'est certes un jeu courant chez mes congénères. Mais c'est loin d'être une raison pour mon confort. Et dans ce rôle de gars stable sur souriant, de me contenir, espérant secrètement de voir mon nom sur des banderoles. Depuis nos premiers pas, maintenus sauvagement sous hiérarchie, comparaison, compétition et classement. Il est presque impossible de ne pas monter sur son semblable. Complexé, pris dans les rapports de force insensables. Refuser d'être le meilleur et si courageux. Combien terminent dans cette lutte, orgueilleux et rageur. C'est l'âge de courir après les hauteurs, les honneurs. C'est ainsi que l'ombre passe à côté du bonheur.